À très bien. Bonsoir. Bonsoir. Alain Emery. Oui, c'est ça. Vous êtes auteur. Oui. De nouvelles. Oui. De nouvelles exclusivement. Pas exclusivement, mais en grande partie, oui. C'est ma distance préférée, on va dire, oui. Alors. C'est vraiment l'élément que je préfère, on va dire. On va parler de Canaille et compagnie. Ouais. D'aspect extérieur, ce livre. Oui. Est bleu sombre. Bleu nuit, donc c'est Canaille et compagnie avec votre nom tout en haut et un jeu de cartes dans son étui. Mmh. Donc on se demande pourquoi un jeu de cartes. Alors le jeu de cartes c'est une allusion, alors c'est tout à fait tiré par les cheveux, c'était une allusion à Truman Capote qui mettait en tout début de son recueil de nouvelles musique pour Caméléon, et je me retrouve seul, isolé dans ma folie, avec mon jeu de cartes et le fouet dont m'a gratifié Dieu. Vous voyez, c'est parti là-dessus, et donc la couverture est un petit clin d'œil à ce recueil de nouvelles qui était absolument admirable à l'époque, qui n'a pas d'ailleurs été égalé depuis, et que j'aime particulièrement. Voilà. Ah oui. Moi je croyais que ça faisait référence à la première nouvelle. Alors, en même temps, ça tombe très bien, puisque la première nouvelle, c'est l'histoire d'un joueur invétéré, et c'est vrai qu'avec l'éditeur, ben, le clin d'œil, le choix de mettre cette nouvelle en premier est venu avec mon choix, moi, d'utiliser cette couverture, voilà. Donc après, ensuite, si on l'ouvre, on lit. Le style est très agréable. Merci. Ça se lit facilement. Il y a un vocabulaire intéressant. J'ai ouvert le dictionnaire quelquefois. Ça peut être utile. Il y a pas de coquilles. Important. Ah, c'est déjà bien. Pas de coquilles. Il y en a. Je les ai pas trouvées, mais par contre. Ah, il y en a. Je vous assure qu'il y en a. Il y en a pas beaucoup. J'ai trouvé une faute d'accord. Oh là là, la faute d'accord du livre. Je vous la donne. Ah, je veux bien, oui, si vous voulez. Quelle page? Page 90. Bon, peut-être qu'en même temps, j'ai des problèmes avec le français, mais c'est « La mort, il l'avait observé et... » Voilà. Oh là là. Oui, effectivement, oui, oh là, oui. Oh là là. Non, vraiment, j'ai beaucoup cherché. Moi, je l'avais pas vu, hein. J'ai lu le livre et je l'ai pas vu. Donc, ça passe inaperçu. Je sais plus dans laquelle, mais effectivement, il y a également une énorme faute de français où je dis à un moment donné, après qu'il y ait eu quelque chose, alors que normalement, c'est après qu'il y a eu. Donc là, c'était pas terrible non plus. Mais bon, j'avais pas noté celle-là. Je vais gronder l'éditeur. Donc c'est un recueil d'environ 200 pages. C'est des nouvelles courtes. Oui, je préfère les nouvelles assez courtes. Enfin, je préfère les écrire. Maintenant, je n'ai rien contre la novella ou les nouvelles un peu plus longues à lire, mais j'ai un peu plus de mal, c'est vrai, sur la distance. Ouais. Après, ensuite, les nouvelles en elles-mêmes, leurs histoires. Je veux parler des personnages. Ouais. Qui sont en fait le livre s'appelle Canaille et compagnie, mais c'est beaucoup plus grave. C'est pas que des canailles. Non, non. Moi j'aimerais bien savoir. Tu vas parler du titre un peu. Oui, vas-y. Je sais pas, j'aimerais bien savoir pourquoi. Canaille et compagnie, ça, on va dire qu'on a discuté très longtemps sur le titre. Moi j'étais parti sur des choses un peu plus sans doute un peu plus violentes, parce que les personnages de ce recueil là sont pas très recommandables, soyons très honnêtes. Et l'éditeur, lui, préférait quelque chose d'un peu plus doux. Donc on a transigé. Bon, j'aime bien le mot canaille, moi. Hein. Je trouve quand même que dedans il y a quelques belles canailles. Oui. Donc on a transigé sur ce titre-là, mais tout en comment je dirais ça, moi. Ça a été quelque chose d'assez consensuel dans la mesure où l'éditeur c'est d'abord un ami. Hein, en l'occurrence, pour ce cas-là. Donc ça s'est fait assez facilement. Mais le choix du titre a été très difficile, par contre. On a très très longtemps hésité là-dessus. Ouais. Parce que, je veux dire, on trouve des personnages perfides, voleurs, lâches, grossiers, vulgaires, vicieux, violents, insensibles. Ouais, moi je trouve qu'au contraire, c'est par rapport au titre, par rapport au contenu du livre, c'est au contraire, on dirait que c'est tout l'inverse. Moi je trouve que, je sais pas, Canaille et compagnie, c'est plus... Je sais pas, canaille, c'est pas méchant, voilà. Moi, j'imaginais des enfants. C'est vachement plus joyeux, vachement plus en jouer, je sais pas, Canaille et compagnie, c'est... Je trouve que c'est à la limite c'est mignon quoi, mais c'est vrai que Canaille et compagnie est assez gentil, assez champêtre comme titre par rapport aux immondes. Mais c'est intéressant justement la différence, je trouve que c'est. Moi ce qui me plaît c'est ce contraste entre le titre et les autres. Je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que quand on a trouvé donc Canaille et compagnie. Finalement, on était parti sur des choses beaucoup plus dures à l'origine, ou alors carrément beaucoup plus abstraites. Hein. On était parti vers une idée de l'infini au départ. Donc, vous voyez, ça n'avait pas vraiment de rapport. Par une idée. Puis, finalement, Canaille et compagnie, c'est vrai que j'ai bien aimé. J'aime bien ce titre-là. C'est vrai que ça correspond assez bien au contenu. Et en même temps, c'est quand même assez gentil par rapport à la verdeur et à la noirceur d'un personnage. Ouais. Oui, en fait, pour savoir si on est quelqu'un de bien, oui. On lit le livre et on se dit, on se retrouve je suis quelqu'un de bien. Si effectivement vous retrouvez dans aucun des personnages, je suis quelqu'un de bien. Oui. On peut résumer ça comme ça. Oui. Alors, mais dites-moi quand même, pour écrire de telles choses sur pourquoi de tels personnages, pourquoi mais qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours pas interné, je n'ai pas de camisole de force, je n'ai pas de traitement. Est-ce que vous avez été blessé par des gens grossiers ou lâches ou vulgaires ou je sais pas mais... Du tout. Non, c'est simplement que je m'amuse à observer les gens autour de moi et il m'arrive, alors je vous rassure, je rencontre pas que ça, mais il m'arrive de rencontrer ce genre de personnages, oui. Il y a des nouvelles dans ce recueil qui sont des histoires. Alors, je vais pas dire vraies, parce que forcément elles sont systématiquement un peu romancées, mais dans l'ensemble, qui sont, c'est tout à fait plausible dans la mesure où j'ai vu et entendu certaines de ces phrases, ouais. Mmh. Oui, c'est plein de préjugés aussi. On se rend compte des préjugés des gens. Oui, tout à fait, oui. Mmh. Bah, je prends Rasta par exemple, puisque. Oui, une grand-mère. C'est une nouvelle qui plaît beaucoup dans les collèges en l'occurrence et dans les lycées. Et je me suis rendu compte que cette nouvelle-là, elle véhiculait forcément beaucoup de préjugés. Mais ce que j'ai noté moi dans cette nouvelle-là, je l'ai entendu et j'ai entendu bien pire. Et avec un naturel et une indifférence assez consternante d'ailleurs. Oui. Donc c'est pour ça que Rasta, qui choque beaucoup, je me suis rendu compte dans les collèges que ça choquait beaucoup les gamins. Et bien en fait, c'est... Ce qui est embêtant, c'est comme c'est une nouvelle, on ne peut pas la raconter. Non, hein, on ne peut pas résumer, ça la détruirait. Tout à fait, faut surtout pas la raconter. Ouais. Mais c'est vrai que les trois quarts des personnages qu'on retrouve dedans, à part peut-être une ou deux nouvelles que j'aurais d'ailleurs pas mis dans le recueil, moi, mais je pense par exemple à l'ordre des choses qui est pas vraiment dans le ton pour moi du recueil. Le restant, ce sont quand même des personnages que j'ai plus ou moins croisés. Ouais. Ah oui, il y a toujours, il est toujours cas où fait allusion à des actes extrêmes. Pardon ? Ça parle toujours d'actes extrêmes. Ben, disons que moi, ce qui m'intéresse... Des envies de meurtre, des envies de viol, des viols, des bombes... Si on prend passer au travers ou c'est une nouvelle très noire, c'est sans doute pour moi la plus dure du recueil, puisque c'est quelqu'un qui assiste en fait à un viol sans bouger, sans broncher. Moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que personne n'est à l'abri de devenir du jour au lendemain un salaud ordinaire. C'est-à-dire que on ne sait pas, ni vous ni moi ne savons comment on pourrait réagir dans une telle situation. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est de trouver ces salauds ordinaires, ces lâches ordinaires. Dedans, il n'y a pas vraiment de personnages d'une noirceur absolue. Ce sont simplement des gens qui se trouvent dans une situation qui les dépasse. Et forcément, ça devient des personnages un peu... abject, hein, ça je le conçois, mais je suis pas sûr qu'il l'était à l'origine au départ. Oui, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est des gens normaux quoi en fait. C'est des gens c'est tout le monde quoi. C'est des gens perdus, ils sont juste perdus. Ils sont juste perdus dans quelque chose qui les dépasse complètement. Mm-hmm. Et je suis persuadé, la première nouvelle, donc Entrée dans l'ombre, qui est de l'histoire de ce joueur, je pense qu'on doit pouvoir en trouver et sans chercher bien loin. Ah, ouais, c'est sûr, j'en ai connu beaucoup. De ces gens qui sont complètement dépassés, qui se trouvent dans des situations qui les transforment et pas forcément en bien, ça c'est clair. Bien. En tout cas, c'était quand même. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien écrit. C'était vachement agréable à lire. Je dirais qu'il faut pas. Il faut pas les lire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut pas lire tout d'un coup. En fait, lire une, deux ou trois, se poser, revenir deux semaines après. Je pouvais pas parler à l'antenne, mais j'entendais tout à l'heure le monsieur donc des le concept, c'est ça. Oui. Et je l'entendais donc parler justement de la l'art de puiser un petit peu, parce que la vie aujourd'hui fait que on peut pas se plonger forcément dans un roman de 500 pages. Et moi je suis assez d'accord là-dessus, je pense que les nouvelles ont un avenir devant elles, parce que on peut effectivement les piocher au fur et à mesure, dans le train, dans le bus, entre deux rendez-vous. Mmh. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce recueil. Et c'est vrai que là-dessus je suis assez d'accord, je suis pas pour lire un recueil de nouvelles les unes après les autres. Je trouve que ça gâche un peu justement le plaisir. Ça doit être un peu des friandises qu'on prend une fois de temps en temps quand on a un peu de temps, voilà. Ouais. Très bien. C'est toujours, enfin c'est assez, c'est les nouvelles sont structurées toutes de la même manière un peu. Il y a toujours la dernière phrase à la fin qui tue tout quoi. C'est vrai, faut pas. Quand on donc c'est pour ça qu'il faut en lire une de temps en temps dans le métro. On a 10 minutes, hop, on s'en fait une. Puis en plus, je pense que ce serait rapidement oppressant, quoi, ce genre de. Alors en plus, ce sont des nouvelles à chute, parce que. Oui, voilà, la dernière phrase, la chute. Il y a plusieurs genres de nouvelles aujourd'hui, il y a plusieurs écoles, lesquelles d'ailleurs sont toutes respectables, mais dans le cadre de la nouvelle à chute, si on en lit 4, 5 d'affilée, bon, ça devient rapidement répétitif, alors voilà, effectivement, quand on prend ça comme une friandise, une fois de temps en temps, ça peut être sympa, quoi. Et puis elles sont graves, quoi, donc je veux dire, à chaque fois qu'on en lit, moi je l'ai lu en 2-3 fois, et je sais que, voilà, quoi, au bout de 5 d'affilée, waouh, ça fait mal, on prend des claques, quand même. C'est pas une vision très... très gay forcément de la vie d'aujourd'hui, mais en même temps les personnages que j'ai là, moi j'ai beaucoup de tendresse pour eux, parce que c'est pas je dis, ce sont pas des salauds, oui, c'est ils sont attachants, quand même, ça peut être tout le monde, donc ils sont un peu attachants quand même. Oui, on se met toujours à leur place. Oui, voilà, on peut toujours se mettre à leur place, et puis ma foi, je peux comprendre aussi que ça à forte dose, que ça soit un peu oppressant, ouais. Ça je peux comprendre, ouais. Eh bien, on va vous remercier. Ouais, merci beaucoup. Mais de rien. Donc, Alain Emery, Canaille et Compagnie, éditeur La Tour d'Oiselle. Voilà. Voilà. Très bien. Et je mettrai toutes les informations sur le site internet avec un scan du livre. Eh bien, c'est très gentil à vous. Je vous remercie d'avoir téléphoné. Mais de rien. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir.